nationaliste tokumisa misala ya bana mboka ye bazali bakongole koyina ne kopesa se pasi na mboka ye kozabote kongole kobebisa se ekonomi ya mboka ye okatol mwana ya papa omole na mama elelo Mae, moninga ya okasole. Okasole meilleur, okasole super. Okasole meilleur, okasole si subversif. Je me lance, la pièce sera. Okasole meilleur, okasole super. Okasole meilleur, okasole si subversif. Tekele de Paris. Yeah, Sami Lushima Zali, patriote congolais. Oh, Kassola Zali, mwana ya Kongo. Atonga kape bilamba, yaba soda na biso. Atonga kape bilamba, yaba policier. Ba officier, ba généraux, koutou kolobate. Ala tisa kape, ba ministre ya mboka na biso. Bato jaba magistrat na baboka yepe a sonaka. Atongi la kape bambasade ebele. Atongi la kape ba depite pe ba senateur. Ba uniforme ba musicien ga mulenda na lobaninie. Ba kongole boye mende la moka eko pepa okaso. Modélise expérimenté le grand couturé du Congo. Totika comme bisamo solo na ba compagnie papaya. Ba devise zali ko kene vraiment sa retour. Papaya ba zali ko ton disambo na ba banque na bango. Ba zali pe ko tonga ba mboka na bango. Tope sa ye maboko bote kene liboso. Okasol, okasol, okasol lushima. Avec okasol la soirée est meilleure. Yeah. Ma maman et ma famille, boya bangu tokende. Et pas au casol, mon délice de royo a ebana. A la tisa bino qui toko po bongenga na concert abana ok. Saint-Valentin, le 8 mars à la tisa kaba mama. Quel que soit votre taille sur mes ira au casol et kovanda. A la tisa kaba pilote, pas docteur na, pas professeur. Bana firenze va sa pernion sobo et à tot élément. La griffe en l'eau, au casol, y'a moi namboka. Balobi au casol, asuki sa tembe a formé na Congo. Au casol est meilleur, au Okasol est super, Okasol est meilleur, Okasol est super. Y'a Sophie, Sophie de Londres, Yolande et Bina. Y'a Patrick et Mangata, les Kababa, Colo Histoire. Tata Mossi Alita, Esprit Francis, la Dallas. Bati Briante, Bana Yolo, Ekila, Oh Charlotte Eloa, Marie Kenny, Sylvie Kitamala, Caro.